Il y a peu de choses dans la vie qui me touchent vraiment. La musique, ma famille, mes amis. Et vous faites partie de ma famille aujourd'hui. J'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, c'est moi, Fanny. Alors, je vous confie mes vérités.